Radio Cayenne. Radio Cayenne. En échange d'une trace de douceur, en rouge et noir. On est toujours sur Radio Cayenne. On est toujours le lundi 29 avril. Il est 21h20. Et on a décidé de vous passer un son, une émission de radio en fait, qui n'est pas de nous, qui est une émission de radio de l'émission Impossible, qui s'appelle Allô la Tôle. Cette émission, elle s'appelle l'émission Impossible parce que c'est une émission qui se passe dans des lieux impossibles. Et effectivement, cette émission, elle se passe cette fois-ci dans la régie des bâtiments à Bruxelles. Et en fait, elle se passe pendant l'occupation de cette régie des bâtiments. Cette régie des bâtiments, elle est occupée contre la construction, contre le projet de construction de cette nouvelle tôle en Belgique, et notamment le projet de maxi prison. Et si on avait envie de passer ça, c'est à la fois parce qu'on kiffe la radio et que du coup d'aller faire de la radio, d'occuper un lieu et d'y faire de la radio, c'est un projet qui nous parle. Et puis d'en faire un moment anticarcéral, ça nous parle d'autant plus. Et aussi parce que en ce moment, enfin, c'est ouvert aujourd'hui le procès de 12 personnes pour sous le chef d'inculpation d'associations de malfaiteurs. Et c'est 7 personnes qui avaient participé à la lutte contre cette maxi prison. Donc voilà, on vous laisse. Ça dure une heure et on revient après, à tout à l'heure sur Radio Cayenne. Émission Impossible. L'émission qui se passe dans des lieux impossibles. Il est midi, vous écoutez Radio Panique 105.4. Et c'est l'heure de l'émission Impossible. Merci à tous les auditeurs et un gros big up aux auditeurs de la rue de la Loi qui sont en train de bloquer également. Merci à vous. Chères auditrices et auditeurs, bienvenue. Nous sommes sur le plateau de l'émission Impossible pour notre édition toute spéciale Allô la Tôle. Nous nous trouvons actuellement avec Joe à ma droite. Bonjour Joe. Salut Joe, ça va Joe ? Ça va très bien Joe. Et une trentaine de personnes qui se trouvent autour de nous pour installer un magnifique petit pique-nique avec des tomates et du fromage et tout ce qu'on a besoin. Nous sommes actuellement dans la salle de la régie des bâtiments. Est-ce que tout le monde peut faire un peu de bruit ? Les Joe, un peu de bruit ? Et oui, nous sommes donc là aujourd'hui pour rendre visible l'invisible. Nous aborderons ensemble le thème de la prison, un double voile à lever donc pour nous aujourd'hui. Qui construit ces prisons et qu'est-ce qui se passe entre ces murs ? Ces deux groupes d'acteurs sont inconnus, invisibilisés, cachés du reste du monde. À nous de les remettre au centre des préoccupations. C'est parti. Ah oui, je peux dire, la première fois que je suis rentrée, quand je suis arrivée en prison, quelques jours après les faits, j'ai trouvé, ça sent la prison. Moi, je suis très sensitive, sensorielle, comme ça. Et une maison a son odeur, les gens ont leur odeur, non pas désagréable, mais c'est particulier, ça fait leur particularité. Et je me suis dit, ça sent la prison, ça sent la prison. Et c'est une odeur que je n'ai jamais retrouvée, c'est une odeur que je ne connaissais pas. C'était une nouvelle odeur. C'est pas un produit de nettoyage, c'est une odeur d'atmosphère. C'est, voilà, maintenant, je la sens plus, hein. Je suis dedans, quoi. Je suis dans la merde, voilà. Non, je rigole mal, mais voilà, je ne la sens plus. Voilà, fait chier, je suis en prison, quoi. Ça m'est arrivé. Merde, alors, c'est ça que je veux dire, merde. Témoignage, elle me demande vraiment, c'est quoi cette odeur dont elle parle ? C'est quoi cette merde ? Ouais, c'est vrai, c'est quoi cette odeur de merde ? Eh bien, justement, nous sommes là, ici, aujourd'hui, pour répondre à cette question, pour rendre visibles certaines réalités que certains veulent garder invisibles. Au programme, nous commencerons donc par nous plonger dans des témoignages pour découvrir la réalité carcérale. Ensuite, nous accorderons à contre-cœur un chapitre aux responsables de ces incarcérations. Et enfin, nous parlerons de la maxi-prison de Haren et des luttes. Un mot aussi sur les revendications qui nous suivront tout au long de l'émission. La première, c'est que 10 travailleurs ou travailleuses de la régie des bâtiments, et spécialement Laurent Vreidach et le groupe Projet Prison, viennent s'asseoir ici pour nous écouter, écouter les réalités qui seront présentées durant l'émission. La seconde revendication, c'est l'obtention des contrats entre la régie des bâtiments et CAFASO concernant la construction de la maxi-prison à Arun. On estime que ces contrats doivent être rendus publics vis-à-vis des milliards qui sont investis par les contribuables dans le projet. Et d'ailleurs, ça nous amène à la question des auditeurs et des auditrices. Écoutez bien la question, récompense à la clé. La question est donc, où sont donc cachés ces mystérieux contrats entre CAFASO et la régie des bâtiments ? Pour le vainqueur qui trouvera la réponse à cette question, la régie des bâtiments offre généreusement une maquette de la prison d'une valeur de 40 000 euros. Auditeurs, auditrices, c'est donc à vous. Envoyez vos idées, vos propositions de réponses les plus farfelues au 0499 41 26 65. 0499 41 26 65. Une maquette de 40 000 euros à la clé. C'est à vous. Pensez-vous que la prison soit un milieu criminogène ? Bonjour, je m'appelle Quenégonde Henri Dupré. Pour tout ce qui concerne l'hygiène, dès que tu te lèves le matin, tu dois vraiment insister sur « je veux aller prendre la douche ». Alors on te répond « non, pas maintenant, plus tard, elle est froide ». Tu insistes, au pire des cas, tu prends un seau d'eau chaud ou tu fais bouillir de l'eau dans ta cafetière. Tu peux pas avoir les crèmes, les déos, les parfums, les vernis. Donc tout ça, tu dois les demander au bureau. Sinon, si t'as pas d'argent, ben c'est bredouille. Si t'as pas de quoi cantiner des bandes hygiéniques, ben tu prends du papier toilette. Ben si t'as pas du papier toilette, ben tu fais dans ton froc, hein, que tu veux que je te dise. Et... sinon, les douches ici sont assez sales. Il y a des dents, il y a des champignons. Il y a de la mousse verte qui pousse dans les douches du deuxième. Les douches, malheureusement, oui, elles sont communes. D'ailleurs, c'est une horreur. Entre les filles qui demandent « Comment je fais pour me raser les poils du cul ? Est-ce que tu vois quelque chose ?» Il y a 5 douches. Il n'y en a que 3 qui fonctionnent. Si tu veux vraiment être propre ici pour avoir un minimum, un semblant de vie, tu dois avoir de l'argent pour pouvoir cantiner tout ce qu'il te faut. Les tampons, il ne faut pas rêver. C'est des gros bandes hygiéniques datant de Mathusalem. Les gros vieux pampers. Tu as droit au papier toilette. Dans le temps, on en avait 3. Maintenant, c'est un rouleau par semaine et c'est un papier, on dirait du papier à poncer. Il est recyclable. Mais à mon avis, il a été recyclé plusieurs fois, ce papier. Ok, petit flash info sur la situation. Donc, on est une bonne vingtaine, je dirais, à l'intérieur, à être installés. La régie des bâtiments a fermé les portes. Il y a des personnes qui sont bloquées derrière et un contact de la police déjà... quelqu'un de la police déjà présent. Je pense que les négociations sont en cours. On vous donne plus d'informations très vite. Merci. On revient donc sur notre émission. Le dernier témoignage introduit la première partie de notre émission sur l'aspect anticarcéral. Alors... comme le témoignage le montrait, un des problèmes de la prison, c'est que tout est réglé de façon super arbitraire. Ton accès à une douche, tes possibilités d'appel ou de visite, tes permissions de sortie au préau, c'est tantôt oui, tantôt non. Pour obtenir un rendez-vous avec une psychologue, avec un médecin, avec une médecin, avec un dentiste, tu vas pouvoir attendre plusieurs mois. T'es privé de liberté, mais t'es privé de centaines d'autres choses qui ne sont pas comprises dans le contrat, les conditions de détention officielles. Ainsi, les rats, l'humidité, la surpopulation, le manque d'hygiène, la qualité des repas, la rareté et la froideur des visites, l'accès aux soins de santé sont autant de dégâts dits collatéraux qui rendent l'enfermement encore plus pénible qu'il ne l'est déjà. Et ces éléments ont bien évidemment des conséquences, et ces conséquences dépassent aussi les murs. Les liens familiaux se brisent par répercussion. L'investissement émotionnel, financier et physique de l'entourage pour garder un lien avec les détenus les épuise. L'isolement et la stigmatisation des proches des détenus par le reste de la population et l'opinion publique détruit à la fois les familles et la vie sociale passée au futur des détenus. Des conséquences au-delà des murs, donc, aussi pour les ex-détenus qui, une fois sortis, doivent tout reconstruire à partir de rien. La prison prétend avoir pour mission la réinsertion, mais en fait, elle désinsère complètement, elle exclut, elle blesse de façon à rendre un retour à la vie normale souvent impossible. Enfin, nous souhaitons adresser un message à tous les jeunes des cités, à tous les enfants du prolétariat et du sous-prolétariat. à tous ceux et celles appartenant à la classe des sacrifiés du système. Hier, vos parents et vos grands-parents, nos parents et grands-parents étaient transformés en chair en canon, envoyés au front pour y crever en défendant des intérêts qui n'étaient pas les leurs. Aujourd'hui, c'est le destin de chair à prison qui vous est offert, qui nous est offert. Refusez cette tragédie, refusez cette logique, prenez conscience de tout cela avant qu'il ne soit trop tard, car les portes des prisons se referment de plus en plus sur vous et de plus en plus longtemps. Alors que les véritables délinquants, ceux qui vivent sur le dos de la misère, de notre misère, de toute leur arrogance, se goinfrent en rigolant des malheurs de nos malheurs, de nos vies sacrifiées. Donc, qui enferme-t-on ? Qui peuple réellement les cellules ? En fait, on voit clairement que nos prisons ciblent les personnes étrangères, issues des classes populaires, et soumises à des processus de racialisation. C'est là une réalité sur laquelle on ne peut pas faire l'impasse. Criminalisation des pauvres et des personnes racisées, domination de la culture blanche sur les autres cultures, ce qui bâtit la chaîne pénale, du contrôle de police, dans la rue, jusqu'à l'intérieur de la tôle. Même avant ça, ce sont les mêmes personnes qui sont poussées dans l'illégalisme, donc dans les rouages de la machine pénale. La prison, c'est en même temps l'effet et le moyen du système de domination, d'exploitation et de gestion. C'est parce qu'ils et elles sont opprimés qu'ils et elles se retrouvent en tôle, où cette oppression s'abat dans toute sa violence. La prison, c'est donc cet édifice de riches blancs pour enfermer celles et ceux qui ne sont pas aussi riches et aussi blancs qu'eux. La prison, c'est le nœud des oppressions qui structurent notre société. Alors, l'argument qu'on entend le plus souvent revenir, c'est si on construit des nouvelles prisons, c'est parce que celles qui existent débordent monstrueusement. Voilà, c'est ce qu'on entend souvent. Mais en fait, si on regarde autrement, un peu mieux, d'une manière un peu moins corrompue, on remarque que c'est pas tout à fait vrai. En fait, si les prisons sont surpeuplées, c'est parce qu'on enferme trop. Et si on construit de nouvelles prisons, on enferme encore plus que trop. On criminalise de plus en plus. Si les taux d'incarcération augmentent, c'est parce que beaucoup de gens reçoivent une peine et pas parce que plus de gens sortent de la légalité. Au contraire, on peut d'ailleurs savoir, selon les chiffres, que les taux officiels de délinquance baissent. Et même lorsqu'on parle des alternatives en prétendant qu'elles désengorgent les tôles, en fait, on ne fait que mentir. Souvent, les alternatives, elles ne s'appliquent pas à des personnes qui auraient été en tôle, mais à des personnes qui auraient juste rien eu. Du coup, les alternatives, elles participent, elles aussi, à l'élargissement du filet pénal. Il y a toujours plus de personnes qui sont incriminées, toujours plus de personnes qui vont en tôle, toujours plus de personnes qui sont détruites. Alors, petit flash info, la situation n'a pas l'air d'évoluer. Le pique-nique se passe très bien, tout le monde se plaît. On rappelle qu'on invite les employés et employées du bâtiment à venir partager le pique-nique avec vous. Vous êtes bienvenus. On rappelle aussi que vous êtes bien sur 105.4 Radio Panique pour l'émission Allô l'Atoll. Alors, on passe à la deuxième partie. On va passer au petit quiz. Au petit quiz. Alors, pour notre cher public en train de pique-niquer, ça va être à vous dans un instant. On va vous poser des questions. Ah oui, c'est toi qui devais expliquer, en fait. Non. Oui, mais c'est pas grave. Donc, on va vous poser des questions, questions à choix multiples. C'est un petit quiz. Alors, on rappelle que pour chaque bonne réponse, vous gagnez le droit de taper un coup dans cette magnifique piñata prison. Dans laquelle sont peut-être cachés les dossiers, qui sait. Donc nous allons passer à la première question. Vous pouvez répondre de façon complètement anarchique en criant « moi » et en donnant votre réponse, j'imagine. Est-ce que vous êtes prêts pour la première question ? Oui ! Question 1. La prison remet-elle vraiment les brebis égarées dans le droit chemin ? Quel est le taux de récidive suite à une incarcération ? Réponse A, 50%. Réponse B, 25%. Réponse C, 10%. 50%. Est-ce qu'on a entendu ? Alors, il y a un auditeur qui dit 50%. Réponse C, réponse A. Eh bien, c'est juste et c'est même un peu faux parce que ce n'est pas 50, mais 57%. Donc, 57% de taux de récidive, ce qui prouve que la solution carcérale est absolument inefficace. Alors, c'est le moment de taper dans la piñata. Bravo pour cette bonne réponse. La prison est intacte. La prison est encore intacte, il faudra plus d'un coup pour la battre. Détruisons toutes les prisons, brique par brique, mur par mur, détruisons toutes les prisons. Et nous passons directement à la deuxième question de ce quiz. Quelle catégorie sociale se retrouve le plus régulièrement derrière les barreaux ? Réponse A, les banquiers. Réponse B, réponse C, les élites corrompues. Réponse D, les personnes socialement défavorisées. Malheureusement, c'est une mauvaise réponse. Ce ne sont pas les banquiers qui sont le plus régulièrement derrière les barreaux. Une autre tentative ? Réponse B, les évadés fiscaux ? Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Ce ne sont pas les évadés fiscaux qui sont le plus souvent derrière les barreaux. Une autre réponse ? Réponse C, les élites corrompues. Malheureusement, c'est encore une mauvaise réponse. Ce ne sont pas les élites corrompues qui sont derrière les barreaux. Mais qui peut donc être derrière ces barreaux de prison ? Réponse D, ce sont les personnes socialement défavorisées, évidemment, qui sont le plus souvent derrière les barreaux. Vous avez gagné le droit de taper un coup dans cette magnifique piñata prison. La piñata est toujours intacte. Alors, pour continuer, pour parler de ce que provoque réellement la prison, nous allons directement embrayer avec un autre témoignage. Je crois toujours plus fort que la justice. Et au long des années que je suis venu, j'ai toujours voulu me venger de la justice. Parce que j'ai jamais compris les peines qui me mettaient. Parce que les peines sont sévères. Très sévère, et je ne comprenais pas pourquoi une peine aussi sévère pour un si petit délit, quoi. Donc, on a toujours la haine qui va envers la justice, et elle s'amplifie avec les années, quoi. Mais pour l'instant, elle est toujours en moi. Depuis 2003, je suis incarcéré, je ne vois pas ce qu'ils ont fait pour moi pour l'instant. Et je ne vois pas à ma sortie, je le dis carrément, j'ai peur de sortir parce que je ne sais pas ce qui m'attend. Parce que j'ai vu beaucoup de gens sortir et c'est toujours les mêmes qui reviennent. Donc, ceux qu'on ne revoit plus, c'est qu'on apprend après qu'ils sont décédés parce que c'est une overdose de drogue. Et ça, c'est la réalité, quoi. Il faut que vous comptiez sur 6 semaines. En prison, c'est comme ça et on n'a pas le choix. Enfin, moi, je dis, dans ma vie, je dois compter sur moi-même. C'est moi qui vais tracer ma route. Si j'ai envie de partir à gauche, je partirai à gauche. Si je veux aller droit, j'irai droit. Mais si on ne me donne pas aussi les moyens d'aller droit, je ne serais pas resté sur cette ligne-là. Alors, la réinsertion est un des débats courants qui portent autour de la prison. C'est d'ailleurs un de ses objectifs principaux, comme s'en targue Koen Gaens et son ministère. La réinsertion concerne donc la sécurité de la population et le retour et la sortie du détenu vers la société. Oui, donc parlons de l'aspect protecteur. La prison ne fait en fait que écarter et exclure les personnes pendant leur détention. À la sortie, les derniers chiffres parlent d'eux-mêmes. Ils indiquent donc, comme on l'a dit dans le quiz, 57% de récidive et montrent donc que la prison n'est en aucun cas garant de sécurité en ce qui concerne l'après-incarcération. Aussi, nous savons que les échecs de la réinsertion, souvent décriés à cause de formations peu nombreuses et peu qualifiantes en prison, et le peu de préparation à la sortie. Mais on parle bien de préparer le retour en société depuis la prison, un des milieux les plus différents de la vie en société, avec aucune autonomie, un isolement et une rupture des liens sans compter les contraintes juridiques, en dehors qui seront la continuité d'un enfermement en dedans. Il est donc important de rappeler que la prison désinsère. Elle n'est pas qu'inutile, elle est néfaste. Elle est néfaste et c'est sans doute le seul objectif que remplit véritablement la prison. Celui de punir et celui de faire mal en retour. La prison est donc un outil de contrôle social, mais également un outil de vengeance. Et tant qu'on reste dans une dynamique de vengeance, aucun objectif de réparation des dommages, de restauration des liens, de réinsertion ou de soins ne sera possible. Et du côté des détenus, c'est donc pas étonnant qu'il y ait de la haine. Quand on prisonne les choses, et il y a régulièrement des choses qui naissent en prison. Pas à la hauteur de ce qu'on espérait. On aimerait bien qu'il y ait un grand mouvement de prisonniers avec un discours politique construit, clarifié. Mais ça, ça n'existe pas. Hein. Il n'y a jamais une révolution qui est née pure. Hein. Jamais. Si vous attendez de rencontrer un mouvement qui a tout clarifié avant de le soutenir, vous ne rencontrerez jamais ce mouvement. Et donc, voilà. Et vous ne soutiendrez personne. On l'a vu avec les Gilets jaunes. En France, on a eu plein de gens qui nous ont dit on ne peut pas soutenir les Gilets jaunes, il y a tel manquement, il y a telle limite, il y en a un qui a brandi un drapeau bleu, blanc, rouge, il y a l'autre qui a dit ça, etc. Si on attend qu'un mouvement pur naisse, on va se contenter de dire on peut ne rien soutenir. En réalité, à chaque fois que quelqu'un entre en révolte, quand bien même sa révolte ne nous convient pas entièrement, je pense qu'il faut la soutenir. Voilà. Je pense que l'essentiel, c'est l'entrée en mouvement. Quand des prisonniers se révoltent, leurs revendications peuvent nous apparaître comme pas assez à la hauteur, on s'en fout. Ils se révoltent contre un système de domination et c'est en se faisant l'écho de ce qu'ils font qu'on va pouvoir justement dialoguer avec eux pour que, non pas leur donner la leçon, mais dialoguer sur vous avez dit ça, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Et ce dialogue-là, ça suppose qu'on enlève toute idée de supériorité. On n'est pas des militants qui savons et des idiots qui ne savent pas à l'intérieur. Et donc, être l'écho, dialoguer avec les révoltes spontanées en prison, pour moi, c'est un élément essentiel. Parfois, ils vont se révolter juste pour avoir du savon. C'est énorme. C'est énorme. Si nous, on vient leur dire, non, on s'en fout du savon, ce qu'on veut, c'est... Il faut casser les murs de la prison. Ils veulent du savon. À nous de débattre avec... À nous, de l'extérieur, de dire, c'est scandaleux qu'il n'y ait pas de savon en prison. Et d'entamer avec, de cette manière-là un débat avec eux, une discussion avec eux, qui leur permettra, au-delà du savon, de s'apercevoir que s'il n'y a pas de savon, ce n'est pas un hasard. S'il n'y a pas de savon, c'est que la prison est perçue, pensée, comme espace de relégation et donc d'humiliation, de transformer l'être humain en objet, et un objet, ça ne se lave pas, et donc, ou ça se lave juste quand il y a des dangers de maladie, etc. Alors, penchons-nous un instant sur ce qui se dit en dehors de la prison. Quelles sont les positions des personnes qui existent en dehors de la prison? Pour cela, nous allons inviter trois personnes, ou plutôt deux personnes en fait, qui auront 30 secondes pour résumer leur position pour ou pas l'abolition des prisons. En premier, j'ai Joe au foulard rose, à ma droite, qui va vous dire un petit mot. Moi je veux juste pas vivre dans un monde où on règle les problèmes en enfermant des personnes, où on ajoute des murs dans les relations, parce qu'on les juge inaptes à la société. La prison, en fait, elle sert juste à nous faire croire qu'en dehors on est libre, libre de travailler plus pour consommer plus, libre de choisir les personnes qui nous dirigent et nous imposent des projets dont personne ne veut. C'est eux les vrais psychopathes, et on les laisse en liberté diriger ce monde et faire des projets dont personne ne veut. Mais on va continuer à s'organiser, on va continuer à lutter parce qu'on refuse ces prisons et le monde qui va avec. Merci Joe. Est-ce que vous êtes d'accord avec Joe? Et un deuxième Joe qui va nous parler. Joe, tu nous entends? Oui, très bien. Alors, vas-y, dis-nous un peu ton avis, on t'écoute. Je pense pas que si la prison est quelque chose de sensé, quelque chose de bien pour la population, ça résout vraiment des problèmes. Attends, je te coupe. Parle un peu plus doucement parce qu'on t'entend pas très bien. D'accord. Donc, je dirais que je suis pas spécialement pour la prison parce que, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait arrêter. C'est quelque chose qui fonctionnait vraiment. On n'aurait pas autant de récidives, on n'aurait pas autant de gens qui retournent. C'est quelque chose de sain, quelque chose de bien pour les gens. On n'aurait pas autant de gens qui sortent complètement médicamentés, qui détruisent autant la vie à l'intérieur. Puis c'est vraiment quelque chose de très très malsain pour les humains où on respecte de moins en moins, où il a de moins en moins de dignité. Donc, je pense qu'il faut vraiment abattre les prisons, il ne faut pas les laisser se construire, et encore moins celles qui veulent faire maintenant, les grands de la pleine de technologies qui vont déshumaniser les gens, c'est vraiment une très très bonne chose. Merci Joe pour ce témoignage. ce qu'on en a capté, en tout cas. Une petite idée, toi, par rapport à la question des auditeurs, est-ce que tu sais où se trouvent ces mystérieux contrats, ton contrat en ligne ? Le contrat en ligne, pardon ? Non, je suis là, j'ai pas de votre question. Et on passe au flash info suivant, donc tout va bien toujours au niveau extérieur avec la police. Est-ce qu'on a des news de... Pas vraiment. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. On est passé au dessert. Est-ce que le pique-nique est bon ? Est-ce qu'il y a des employés qui viennent manger avec nous ? C'est bien dommage. On rappelle qu'on est sur 105.4 Radio Panique pour l'émission Allô la tôle. Vous êtes toujours avec nous, vous nous écoutez. Et donc, c'est toi, on va passer à la suite du quiz alors. Hein. Est-ce que vous êtes prêts pour la suite du quiz ? Alors, question 3. Question 3. Sur l'ensemble des détenus en prison en Belgique, quel pourcentage est incarcéré en préventive en attente de passer en jugement ? Réponse A. 10%, réponse B, 20%, réponse C, 40%, ou réponse D, la réponse D. 40%. Je vérifie. C'est une bonne réponse, c'est une bonne réponse, félicitations. Donc 40% des détenus sont en attente de jugement. Bravo Joe, pantalon rose. Tu peux aller taper dans la piñata. Ah. Est-ce que celle-ci tiendra encore le coup ? Aïe, aïe. Oh ! La prison a été à deux doigts de céder, mais c'est pas encore le moment. Nous passons à la quatrième question de notre super quiz. Alors, en moyenne, combien sont payés les détenus qui travaillent en prison ? A, 1,80€ par heure. B, 8€ par heure. Ou C, 50 centimes par heure. 1,80€ ? Quelqu'un là-bas ? 1,80€, c'est une très bonne réponse. Bravo, bravo Joe. Ah, c'était un très joli coup, mais cette prison est définitivement très résistante puisqu'elle ne s'est toujours pas ouverte. Mais bravo, bravo pour ces bonnes réponses au quiz. Nous sommes là, face à vous, pour exiger que nous soient appliquées des mesures justes, équitables et qui permettent de croire que nous n'avons pas été condamnés à la mort lente, à des peines qui ne sont qu'un substitut à la peine de mort. Nous sommes là pour dire haut et fort que nul n'a intérêt à ce que nous nous transformions en bombes humaines, car viendra le jour où nous serons libérés, où nous réintégrerons le corps social. Qu'en sera-t-il si des années durant, le système carcéral nous meurtrit, nous avilit, nous blesse jusqu'au plus profond de notre être. Il est temps que cette réalité cesse. Il est grandement temps que cette prison mangeuse d'hommes soit l'objet d'une révolution culturelle qui lui permette d'entrer dans le troisième millénaire de façon plus digne. La déclaration juste que vous venez d'entendre, elle date d'il y a 20 ans. Ils parlent de leur espoir d'un changement pour le troisième millénaire et pourtant rien n'a presque changé. On construit encore et toujours de nouvelles prisons. Et c'est vrai, Joe. Et quelque chose me dit que ce n'est pas un hasard qu'on se trouve ici, aujourd'hui, dans la régie des bâtiments. La régie des bâtiments concerne la question des responsables. Qui est responsable de la construction de la méga-prison ? Pour répondre à cette question, on a un invité tout spécial, Joda, qui va nous expliquer un peu plus sur le sujet. Alors, la régie des bâtiments se présente comme le gestionnaire immobilier de l'État et en charge ainsi de la construction des prisons. Suite au master plan 2008-2012-2016, son petit nom complet en vaut la peine, master plan pour une infrastructure pénitentiaire dans des conditions humaines, la régie des bâtiments s'est vu confier la tâche de construire pas moins de 7 nouvelles prisons et de rénover ou d'agrandir des lieux d'enfermement déjà existants. On pourrait croire que la régie ne fait qu'exécuter une décision prise plus haut par les ministres, mais sur le sujet des prisons, elle fait preuve d'une proactivité à souligner qui renforce une politique mortifère. Ainsi, en matière d'investissement, nous avons en effet une série de projets planifiés sur les années 2018-2022, principalement dans des bâtiments pénitentiaires. D'autres projets concernant des palais de justice ont fait l'accord du gouvernement, donc nous disposerons des crédits budgétaires. c'est un texte, c'est un des propos de Laurent Vrédac, l'administrateur général de cette régie. Alors, on repère les mots investissement, planifié, crédit budgétaire. Ces mots tenus par Laurent Vrédac et adressés à la Fédération des entrepreneurs généraux de la construction montrent à quel point les prisons sont devenues un business. Tout est évalué en termes de coûts-bénéfices et n'est vu que sous l'angle financier. S'inscrivant dans la vague néolibérale qui touche toute l'Europe, la Régie des bâtiments conclut des contrats pour la construction des nouvelles prisons qui prennent la forme de partenariats publics-privés. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un contrat entre l'État et des entreprises privées. Ces dernières prennent en charge le dessin des plans, la construction, le financement des travaux et la maintenance des bâtiments. Parfois, c'est même une partie de l'opérationnel qui leur est dévolu, alimentation des détenus, nettoyage du linge, etc. Deux choses sont à souligner sur ces PPP. Primo, ça prépare à la privatisation totale des prisons. À l'avenir, il est à craindre que les prisons soient aux mains de multinationales. Deuxio, ces PPP coûtent énormément cher à l'État et donc aux contribuables. Bien plus cher que si l'État prenait en charge la construction des prisons. Prenons le cas de la prison de Haren. La Régie des bâtiments maintient au secret les contrats et les dossiers relatifs à ces prisons, à ces PPP. Quand on connaît la longue histoire de scandales qui ont entaché la Régie, quand on parcourt l'audit de la Cour des comptes où la Régie des bâtiments est décrite comme incapable d'une bonne gestion, on est en droit de s'interroger sur le contenu de ces contrats PPP. Enfin, et spéciale dédicace à tous ceux qui sont au blocage rue de la Loi, le projet de la Maxi-Prison, c'est aussi la bétonisation de 19 hectares de terrain. Donc on a ici tout à fait une convergence des luttes entre les luttes anticarcérales et les luttes climatiques. Un gros big up à ceux qui sont rue de la Loi. Courage à vous. Maintenant, une petite pause musicale d'une musique qui nous vient tout droit de l'intérieur des prisons, composée et chantée par des prisonnières. Naps, Nikita, on prend le micro même en prison. Combien j'ai vu de faux au check, c'est au prix. Naps, Nikita, on prend le micro même en prison. Combien j'ai vu de faux au check et au préau. Sans son, on est dégain. Je continue à te faire rire, même quand je suis pas bien. Au hess avec causé mon fumette. Je me sens toujours en hess, alors on rêve au bord de mer. Les cocotiers, soleil et sablé. Je m'en balance, je vais toutes les faire retomber. Je squatterai toujours mon vieux quartier, Nikita de la Zupa Roubaix. Nabila sur Bruxelles, t'as plus rien à prouver. Ouais, Nikita, t'as tout dit bien joué. Pour ça, à présent, la daronne, faut assurer. Nabs, Nikita, on prend le micro même en prison. Combien j'ai vu de faux au checks et au préau. Nabs, Nikita, on prend le micro même en prison. Combien j'ai vu de faux au checks et au préau. Si on s'entraidait toutes ces années au lieu de se rabaisser. Mes sœurs, n'oublie pas qu'on porte tous le même tablier. Pitié, pitié que pour ceux qui ont air à damer, damer. Dis-moi qui a pensé à toi quand c'était pour partager. Y'a plus de pitié pour celles qui font jacter. Naps, Nikita, à la régie, le rythme, rythme, y'a pas à dire le crime s'appelle pas. Dédié à nos frères qui gèrent la colère du parloir jusqu'au tchèque. Hamdoulaye à la familia et les sœurs qui ont toujours crié en toi. Anabila, Anabila, c'est pas elle et papa, alors c'est qui ça? Miaou le chat, tu nous pètes la cara. Ah là là, fais pas ta kerba, détends-toi. Naps, Nikita, on prend le micro même en prison. Combien j'ai vu de faux au check, c'est au préau. Naps, Nikita, on prend le micro même en prison. Combien j'ai vu de faux au check ou au préau. J'pense au mien pendant que tu penses au tien, c'est la logique, na. Moi, alhamdoulilah, ça va et toi, Nabila. Alhamdoulilah, ça va, Nikita. Dédié à la familia, Marocchia, Algérie et à la terre entière, à Liberta. Naps, Nikita, on prend le micro même en prison. Combien j'ai vu de faux au check, c'est au préau. Naps, Nikita, on prend le micro même en prison. Combien j'ai vu de faux au check, c'est au préau. Yarusha, la Bila, Nikita, la Nikita, la Bila, Loulou, Tika Salouna, Mirhe. Thank you. Voilà, une super chanson sur les conditions de vie dans le milieu carcéral. Un grand merci pour les artistes qui ont performé. Merci, bravo l'équipe. Vous êtes toujours avec nous sur l'émission Impossible Allô la Tôle sur 105.4 Radio Panique. Nous allons donc passer au quiz. Alors, juste avant, un petit flash info. Tout se passe encore plus ou moins bien ici. Il y a un cours d'acro-yoga un peu dangereux dans le fond. Les chaises sont toujours vides et les pique-niqueurs continuent de pique-niquer. Des infos d'une conversation avec Laurent Vreidag. Oui, alors on a eu la grande chance de rencontrer Laurent Vreidag, qu'on essaye de rencontrer depuis des années, qui nous a octroyé quelques minutes de discussion. Il n'a malheureusement pas le temps de venir s'asseoir avec nous, il avait un rendez-vous très pressant à 12h30, auquel il était déjà visiblement en retard. Donc nous n'aurons pas de discussion aujourd'hui. Il nous invite à aller le rencontrer, hein, donc voilà, ça valait la peine. Et alors il suivra notre émission parce qu'on va lui envoyer le lien et donc il a promis, on compte sur lui pour nous écouter aujourd'hui, pour entendre nos revendications. Donc on va préparer notre petite liste de questions habituelles hein, qui est prête en fait depuis une dizaine d'années et puis la resservir et espérer avoir un peu plus de réponses que les fois précédentes. Alors tout de suite deux autres questions du quiz. Est-ce que vous êtes prêts les pique-niqueurs? Alors, on va voir si vous avez bien suivi le chapitre précédent. Qu'est-ce qu'un PPP ? Réponse A, un petit prêt printanier. Réponse B, un partenariat public-privé. Réponse C, un partenariat de puissants pourris. Quelle est la bonne réponse ? Merci ! Malheureusement, ce n'est pas officiellement la réponse C. Une autre proposition ? Oui, c'est bien la réponse B, un partenariat public-privé. Vous avez gagné le droit de taper dans la magnifique Pignata Prison. Délégation de ce droit. Et la Pignata va encore en prendre un coup. Ouh, il se 3, 2, 1... Ah, c'était presque la bonne. Mais la piñata est un peu, la prison est un peu amochée, mais quoique reste intacte. Et ses prisonniers toujours à l'intérieur. Ah, toujours pas de réponse des auditeurs. Donc n'oubliez pas la question des auditeurs qui est la suivante. Mais où sont donc cachés ces mystérieux contrats entre CAFASO et la Régie des Bâtiments ? A gagné une maquette de 40 000 euros gracieusement offerte par la Régie des Bâtiments. Envoyez vos réponses ou appelez-nous au 0499 41 26 65. Très bien, on enchaîne donc avec la deuxième question. Deuxième question. Alors, la deuxième question du quiz, enfin la deuxième, la cinquième en fait. Avant de soutenir le projet de Maxi Prison, d'abord comme ministre des Finances, puis comme ministre de la Justice, quelle fonction occupait Koengens? Réponse A, bourgmestre de Vilvoorde. Réponse B, avocat de la société Eubelius, candidate pour l'exploitation de la méga-prison. Réponse C, militant au sein de la gauche radicale. Réponse D, gardien de but de football, club Malines. Quelle est la bonne réponse? Non, C et D ne sont pas des bonnes réponses. Donnez les bonnes réponses et on va dire qu'on est vraiment mal informé sur ce qu'on fait. Réponse B, c'est bien la réponse B. Koengens était donc avocat de la société Eubelius, candidate pour l'exploitation de la méga prison d'un côté et de l'autre, donc du projet. Comme ça, on ne peut pas se tromper. Un petit coup de piñata. Un petit coup pour la piñata pour cette bonne réponse. Qui a donné la bonne réponse? C'est Joe, il me semble. Ah, oui. Préparation mentale. Encouragement du public. Ah, c'était un joli coup, mais la piñata est encore intacte. Je me demande si c'était pas d'ailleurs la dernière question du quiz. C'était la dernière question. C'était la dernière question. Hein, ça... Est-ce que ça veut dire qu'avec nos questions, on n'arrivera pas à briser? Ah, il y a un trou, il y a un trou. Alors, on peut peut-être donner un dernier... Ah, les bonbons sont sortis. les bonbons et les témoignages. Donc la maxi-prison Pignata est ouverte. Les bonbons et les témoignages sont tombés à terre. Félicitations à tous! Est-ce qu'on arrête les papotages théoriques et que l'on met tout en pratique ? On entame donc le troisième volet de notre émission Allô la tôle, qui se focusera sur la maxi-prison. Pourquoi on s'oppose tant et depuis si longtemps à cette maxi-prison ? Parce qu'elle rassemble tous les éléments dont on a parlé plus tôt dans l'émission. En ce mois de mars 2019, les constructeurs de la maxi-prison de Haren, craignant de perdre leur permis d'urbanisme et d'environnement, contesté par un collectif de militantes, Ce projet de maxi-prison va à l'encontre de tout bon sens, mais aussi du master plan de 2008 qui prenait des petites structures d'incarcération. Ce projet va à l'encontre de l'urgence environnementale, des principes de consultation citoyenne et de démocratie, d'un rapport critique de la Cour des comptes quant au partenariat public-privé. Face à ces objections évidentes, les leaders de la maxi-prison tentent encore et toujours de s'imposer par la force. Donc oui, il s'agit de 19 hectares d'espaces naturels et de terres arables qui se voient bétonnées à l'heure où le débat écologique et les préoccupations climatiques sont sans cesse amenés à l'avant de la scène médiatique et politique. Il s'agit aussi d'un plan d'enfermement de 1190 détenus et détenues, femmes, hommes, jeunes et sans-papiers, à l'heure où bon nombre d'experts préconisent les structures avec prise en charge personnalisée et à taille plus humaine, si cela se peut. Il s'agit également d'une prison qui se trouverait à 12,5 km du centre de Bruxelles, rendant les visites des proches, les consultations des avocats, les interventions d'associations extérieures, les déplacements des détenus encore plus laborieux qu'ils ne le sont déjà. Aussi, il s'agit d'un partenariat public-privé rassemblant autour de la table des entreprises aux pratiques plus que douteuses. Laissant les États endettés et pris au piège par un accord qui les lie pour des décennies, ces partenariats publics-privés sont écartés dans nos pays voisins. Il s'agit également d'un établissement pénitentiaire dit « moderne » où tout y est robotisé. Les détenus n'ont plus de vue sur l'extérieur, ils n'ont plus de contact d'humain à humain. Même avec les agents dont le nombre se voit drastiquement diminué dans ces structures. C'est des prisons donc complètement déshumanisées et dans lesquelles le froid et la distance ont pris toute la place. Il s'agit aussi d'un projet contre lequel les magistrats, associations, riverains et riveraines, proches et détenus, se lèvent depuis près de 10 ans et ce, sans être entendus. Et il s'agit finalement d'un contrat négocié de façon tout à fait opaque, dans un contexte qui n'a jamais été éclairci, malgré les demandes incessantes de voir l'accord liant les différents partis, c'est-à-dire la régie des bâtiments et le consortium CAFASO, ni d'études d'alternatives, ni de prévision d'un budget précis, avec quand même plusieurs milliards qui sont mis en jeu. Tout reste obscur. Ce qui nous ramène à cette fameuse question des auditeurs. Mais où sont donc cachés les fameux contrats, les fameux mystérieux contrats qui lient CAFASO et la régie des bâtiments à gagner une maquette d'une valeur de 40 000 euros gracieusement offerte par la régie des bâtiments. Envoyez vos propositions au 0499 41 26 65. Et avec cela, un dernier petit flash info sur la situation actuelle. Nos copains et copines militants et militantes ont réussi à rentrer pour venir distribuer des tracts aux employés et employées de la régie des bâtiments, ce qui va, à mon avis, provoquer une totale reconversion anticarcérale des employés et venir C'est nous sûr. Rejoindre à manger. Pour les employés qui vont se reconvertir en venant au pique-nique avec nous. On arrive au dernier volet de notre émission. Mais d'abord, un petit podcast. Quand est-ce qu'on arrête les papotages théoriques et que l'on met tout en pratique ? Très bien. Dernier volet sur la lutte contre la maxi-prison. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que font les militants et militantes exactement à Arun? Pourquoi ils luttent depuis des années? Alors, où on en est aujourd'hui? Les projets du master plan qui a pour but de construire ou rénover des prisons sont toujours d'actualité. La lutte continue toujours bel et bien contre ces projets excluants et mortifères. Contre la maxi-prison, inclus dans les derniers master plans, vous êtes tous et toutes les bienvenus pour venir montrer votre soutien lors de l'audience du Conseil d'État pour annuler les permis d'urbanisme et d'environnement du chantier de la maxi-prison. Donc cette audience aura lieu le mardi 26 mars à 9h30 au 33 rue de la Science, 1040 Bruxelles, c'est Etterbeek. C'est ça, à Etterbeek, donc. Donc on espère vous y voir très nombreux. Venez, venez, il va y avoir grave d'ambiance. La lutte est également toujours active concernant les anarchistes qui sont poursuivis. Donc on va avoir un peu plus d'infos tout de suite à ce sujet. Voilà, donc il faut se mobiliser. Il y a des personnes qui se font enfermer en centre psychiatrique, en centre fermé, en prison tous les jours. Et tous les jours, des personnes luttent également. Par rapport au procès, quelques informations. Donc, de 2008 à 2014, l'État belge a mené une vaste enquête visant les luttes multiformes, mais toujours sans concession, qui s'attaquait aux centres fermés, aux frontières, aux prisons et à ce monde basé sur l'autorité et l'exploitation. Dans son collimateur, la bibliothèque anarchiste Akrata, des publications anarchistes et anti-autoritaires, Hors Service, La Cavale et Tout doit partir, des dizaines de tracts et affiches, une bonne centaine d'actions d'attaque et de sabotage. Bref, la lutte contre le pouvoir sous ses différentes expressions. Initialement poursuivi pour participation à un groupe terroriste, c'est finalement sous l'inculpation d'associations de malfaiteurs que 12 compagnons seront jugés tout au long de la semaine du 29 avril 2019. D'ici là, du 24 mars au 8 avril, des discussions et des événements sont prévus un peu partout. N'hésitez pas à aller voir lalim.noblogs.org. On m'a dit dans l'oreille qu'on aimerait bien lire un témoignage sorti de la piñata. Merci Joe pour cette intervention. Vendredi 16 du 12 2016 à 18h au bloc 4 du centre fermé de Merckxplas, les détenus n'étaient pas contents. Malgré plusieurs entretiens avec la direction concernant les repas, et notamment le repas du soir pour lequel ils reçoivent invariablement du fromage avec deux tranches de pain à 18h, puis plus rien jusqu'au lendemain matin, quelques-uns ont refusé de manger. La réaction du centre ? Rapidement trouver une personne et la désigner comme responsable du mouvement pour pouvoir l'isoler et instaurer un climat de menace. L'homme mis en isolement à 35 ans et il souffre d'un diabète au sujet duquel nous avions appelé à une visite d'un médecin extérieur. Il continuerait sa grève de la faim dans son cachot, d'après ses co-détenus, ce qui est très préoccupant au vu de son état de santé. Un détenu nous dit « À 5h du matin, on entend des bruits. Ils sont venus chercher un homme. 48 heures de cachot parce qu'ils ont dit que c'est lui qui avait organisé la grève. Tu peux pas te défendre ici de toute façon. Ici, on ne te croit pas. Tout ce qu'on te dit, c'est le règlement. Et le règlement, son principe, c'est qu'on ne te croit pas. C'est exagéré. Ici, c'est Merckxplas, une grande mafia. Directeur, chef quartier, etc. Qui fait ce qu'elle veut. Ils nous traitent comme des sacs poubelles. Ici, on mange comme dans une crèche. Rien. J'ai envie de manger un bon sandwich. Je peux pas, mais je le regarde à la télé. Je regarde Top Chef et alors j'ai le ventre rempli. Un autre, 31 ans, en B et 3 enfants belges. Emprisonné à Merckxplas depuis 2 mois, après 68 mois en prison. C'est très dur à Merckxplas. On est enfermé dans une forêt, on est loin. Certains n'ont commis aucun délit. Et pour moi et d'autres, c'est une deuxième peine gratuite. Et un autre qui a un bébé de 14 mois et une copine qui l'attendent ici en Belgique. Alors de temps en temps, devant l'absurdité de la situation, il exprime toute sa colère. Ici, je tourne comme un poisson rouge. J'ai rien à faire. Alors je pense... J'ai besoin de mon fils, mais je peux rien faire. Je craque et je pleure ou je crie. C'est dur. Merci beaucoup pour ce témoignage. On appelle au micro un nouveau mot sur les centres fermés de Joe Alécha. Alors du coup, Merckxplas, ça permet effectivement de faire le lien avec les centres fermés. On parle aussi de détention. Donc, pour la petite histoire, à l'intérieur des centres fermés, le personnel les appelle des résidents et des résidentes. Sauf qu'en fait, c'est effectivement des détenus, puisque ça suit exactement la même logique en fait qu'une prison. Un centre fermé, c'est une prison pour personnes migrantes. Et donc là, je fais le parallèle, tout à l'heure on a fait le parallèle avec le climat pour l'idée de la convergence des luttes. Mais en fait, c'est aussi la convergence des luttes, c'est aussi en fait la convergence avec tout type de détention, et donc notamment les centres fermés. Actuellement, donc il y a des personnes qui sont raflées et arrêtées tous les jours, qui sont expulsées tous les jours. Actuellement, et ce depuis en fait 3 mois, il y a des personnes, donc des Palestiniens et des Palestiniennes, qui sont constamment arrêtées et expulsées en fait compte-gouttes chaque jour. Il faut savoir qu'actuellement aussi, donc elles sont en lutte, elles ont entamé des grèves de la faim dans les centres. Et alors, un autre point actuel également, c'est que mardi, il y a un vol collectif qui va partir vers différents pays d'Afrique, notamment le Sénégal, la Guinée et la République démocratique du Congo. Il y a des rafles qui sont faites. Il y a apparemment des personnes qui sont déplacées des différents centres fermés de Belgique vers le 127 bis pour que donc elles soient rassemblées pour permettre ce vol collectif. Et il y aurait aussi des personnes de centres de détention d'autres pays d'Europe qui sont envoyées actuellement 127 bis pour pouvoir être expulsées mardi matin. Oui, donc le vol est prévu normalement demain 10h30. Et donc si vous souhaitez plus d'infos, rendez-vous sur le site de Getting the Voice Out ou sur Indie Media. On a besoin de gens qui rejoignent la lutte aussi, on a besoin de converger et on a besoin de lutter contre l'enfermement et les expulsions en centre fermé. Merci. Merci. Donc notre soutien à tous les détenus, détenus prisonniers et à tous ceux qui soutiennent aussi et qui luttent. Alors oui, j'ai eu un blanc parce que je réfléchissais à ce que je voulais dire, j'ai retrouvé. Simplement, ça va être un énorme dispositif qui est prévu pour mardi. Les visites sont interdites au 127 bis depuis hier. Et donc ça veut dire que ça va être un énorme truc. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre les renseignements sur le site de Getting the Voice Out. Indie Media ou Getting the Voice Out. Ouais, merci pour ces infos. Donc un autre Joe qui va nous dire quelque chose. Ouais, du coup, on a réussi à casser la piñata prison, et de la prison est sorti des témoignages que je vais vous lire. Nous prisonniers, condamnés ou prévenus, enfermés à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, lançons un appel contre la conquête sécuritaire qui se joue en ce moment à travers les mobilisations des surveillants de prison dans toute la France. Cet appel vise également à construire une fosse collective entre les détenus en lutte et à l'extérieur. Depuis plusieurs jours, des surveillants de prison bloquent les entrées des maisons d'arrêt, centrales et centres de détention du territoire français. Ici, à Fleury-Mérogis, l'établissement est régulièrement paralysé depuis le début de la semaine par plusieurs dizaines de surveillants, empêchant les parloirs avec nos familles, parfois venus de loin, empêchant les extractions dans le cadre des procédures judiciaires, bloquant les aménagements de peine, l'entrée des avocats, les cantines, les cuisines, les nettoyages et toutes les activités dédiées à la prétendue réinsertion. Leurs revendications sont simples. Ils réclament plus de moyens et plus de sécurité pour le personnel pénitentiaire, ce qui se traduit concrètement par un armement généralisé des surveillants, l'imposition de menottes aux détenus lors de leur déplacement hors des cellules et des restrictions conséquentes de nos libertés et de nos droits, pour le peu qu'il en reste. Leur mouvement fait suite à diverses manifestations supposées de violence depuis quelque temps que, si elles existent, ne sont que des actes isolés, bien souvent en réponse à une violence bien plus importante de l'institution carcérale et de l'État en général. Depuis une semaine, nous assistons à une surmédiatisation d'événements sporadiques et minimes sur toutes les chaînes de télévision sur fond d'antiterrorisme. Une insulte devient une agression, une bousculade, un passage à tabac et un retard en cellule, une mutinerie. Nous voyons ainsi défiler ces mensonges sur BFM depuis le week-end dernier. Les surveillants et leurs syndicats, interviewés par les médias, ont présenté la prison comme un sanctuaire de criminels, où les détenus avaient pris le pouvoir, dans les zones totalement abandonnées par les pouvoirs publics. Mais cette stratégie de désinformation ne s'arrête pas là et se couple à des actions bien réelles à l'encontre des détenus. Ce jeudi 18 janvier au matin, alors que tous les parloirs avaient été annulés et que les activités n'avaient pas lieu et que nous étions séquestrés en cellule sans information et sans même avoir été nourris, l'administration a finalement décidé, en réponse aux mobilisations de leur personnel, de lancer une nouvelle entreprise de terreur comme on n'en voit qu'en prison à l'encontre des détenus et alors que rien n'avait s'était encore passé. Vers 11h, plusieurs dizaines de surveillants de l'IRIS, armés, cagoulés et prêts à intervenir, étaient déployés dans toute la prison. alors que les départs en promenade se faisaient sous pression, ponctués de coups de matraque et de boucliers, de fouilles à nu, arbitraires et d'insultes diverses, nous avons décidé de nous organiser contre ces violences gratuites, exercées pour satisfaire les surveillants en mal de reconnaissance. Sur le bâtiment D2, nous étions plus d'une centaine à refuser de réintégrer nos cellules, à l'appel de fin de promenade qui avait été réduite à 45 minutes au lieu des 2 heures quotidiennes. Sur le bâtiment D1, c'est cette fois l'administration qui nous enfermait plus de 4 heures en promenade pour prévenir un risque de blocage et en profiter pour fouiller une bonne partie des cellules. Dans les autres bâtiments, nous tenions plusieurs blocages, la plupart mis en échec par l'intervention violente des ERIS. À travers ces blocages, nous voulons exprimer notre droit à manifester, qui nous a été arraché lors de notre incarcération. Et nous voulons lancer un message vers l'extérieur, contre ce qui se joue en ce moment devant les prisons françaises et belges. L'invisibilisation des violences quotidiennes à l'encontre des détenus, insultes régulières, coups, pressions administratives, les suicides réguliers, les piqûres forcées, les cellules enflammées. Merci beaucoup, on peut applaudir. Merci. Et on va écouter maintenant une autre Jo qui va nous dire quelques mots. Alors, pourquoi la prison, ça me révolte? Pourquoi je suis ici aujourd'hui? Je ne fais pas partie des gens qui sont les plus exposés à la prison, mais preuve, s'il en faut, que la prison est un système qui traverse toute notre société. Je l'ai rencontré plusieurs fois dans mon parcours via mes proches. D'abord, mon père, incarcéré 2 fois pour accumulation de factures non payées. On ne savait pas lui prendre son argent parce qu'il n'en avait pas. On ne savait pas lui prendre ses meubles parce qu'il n'en avait pas. On savait, du coup, on n'avait plus que sa personne à saisir pour rembourser. Deuxièmement, la prison, ça m'évoque mon amie que j'ai accompagnée pendant notre adolescence, alors qu'elle menait un procès contre l'homme qui avait abusé d'elle dans son enfance. Ce qu'on en aura retenu, au final, ce sera surtout ces années d'enfermement à elle, d'hôpital psychiatrique en hôpital psychiatrique. C'est enfin mon amie sans papier, à qui j'ai rendu visite pendant 7 mois en prison, qui travaillait au Black, payait 3 euros l'heure pour faire des ménages. Sa copine qui tombe enceinte, il panique, il rejoint un pote dans du trafic de stupes. Aujourd'hui, il a été renvoyé au Maroc avec interdiction de revenir. Il n'a toujours pas su retrouver les traces de son enfant. Donc la prison, pour moi, ça évoque un système qui impose une réponse unique à une série de situations de violence et qui, en fait, se contente d'intensifier la souffrance, la violence, la destruction. Et lutter contre la prison, pour moi, c'est trouver des réponses, en fait, de reprendre chaque situation de violence et de trouver les réponses politiques qui permettent de repenser dans des termes d'une véritable justice. Voilà, c'est pour ça que je suis ici. Merci. Alors voilà, cette émission touche enfin à sa fin sur Radio Panique. Donc on va clôturer 105.4.fm. On va clôturer avec une petite touche musicale de Batucada. Voilà, sinon c'était un plaisir. On espère que vous avez apprécié l'émission. Et ouais. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Merci à tous d'avoir été là et toute cette énergie mise pour cette belle cause. Big up à tous! Il finira à Cayenne. qu'on est de retour sur Radio Cayenne. Pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, ce qu'on vient d'écouter, ça s'appelait l'émission impossible, Allô la tôle. Et ça s'appelle l'émission impossible parce que c'est une émission qui se passe dans des lieux impossibles. Et cette émission-là se passait pendant l'occupation de la régie des bâtiments. Donc c'est en Belgique, et cette occupation, elle avait pour objectif d'afficher les luttes anticarcérales, de faire entendre les voix, de faire entendre ces voix et de visibiliser ce qui est rendu invisible, donc la tôle. En tout cas, les personnes que la tôle voudrait, la tôle, l'État, les institutions, voudraient invisibiliser. Et vous l'avez entendu pendant cette émission, du coup, les personnes parlaient du procès de militants militantes contre la maxi-prison. Donc le procès, il a commencé aujourd'hui, ça va être toute la semaine. Et on voulait vous lire le communiqué qui est paru en avril 2016, mais qui reste d'actualité. Et c'est d'ailleurs ce communiqué qu'on retrouve sur le site lalime.noblogs.org pour parler du procès. Lalime, tout attaché, lalime.noblogs.org. Le surtitre du communiqué, c'est « Si se battre pour la liberté est un crime, l'innocence serait vraiment pire que tout ». À propos du procès antiterroriste à venir contre les anarchistes et anti-autoritaires de Belgique. Donc on redit le procès, au début c'était un procès antiterroriste et ça se solde par un procès association de malfaiteurs pour 12 personnes. Fin 2008, en pleine période d'hostilité diffuse déclenchée par la révolte en Grèce suite à l'assassinat d'Alexis par la police, le parquet fédéral belge lance une enquête visant des anarchistes et des anti-autoritaires. En 2010, sur la base d'une liste d'actions que la police attribue à la mouvance anarchiste, entre guillemets, et alors que la lutte contre la construction d'un nouveau centre fermé à Steenokerzel, je ne sais pas comment ça se prononce, Steenokerzel, se fraye un chemin, la juge d'instruction Isabelle Panou est affectée à l'enquête qui relève désormais de l'antiterrorisme. En mai, puis en septembre 2013, une dizaine de perquisitions ont lieu dans le cadre de cette enquête. Ces perquisitions visent différents domiciles ainsi que la bibliothèque anarchiste Akrata située à Bruxelles. C'est à cette occasion que l'existence d'une enquête antiterroriste se donne à voir pour la première fois. Cette enquête est menée par la section antiterroriste de la police judiciaire fédérale qui se retrouvera épaulée tantôt par la Sûreté de l'État, tantôt par le service général du renseignement et de la sécurité de l'armée, ainsi que par différents services antiterroristes d'autres pays européens. C'est en 2014 que l'enquête est close, aboutissant aujourd'hui au renvoi devant la chambre du Conseil de 12 anarchistes et anti-autoritaires. Après une séance de légalisation de méthodes particulières de recherche utilisées dans le cadre de cette enquête, filature, écoute téléphonique, placement de microphone dans un domicile, perquisition en cachette, tentative d'infiltration, placement de dispositifs de vidéosurveillance dans des domiciles, devant des domiciles pardon, et à l'intérieur d'un domicile, en octobre 2015, le dossier est renvoyé devant la chambre du conseil. La séance de cette chambre est fixée pour le 10 mars 2016 et déterminera s'il y a lieu de confirmer la tenue d'un procès et si oui, sous quelles accusations. De son enquête, le parquet fédéral s'est efforcé de tirer pas moins de 29 inculpations individualisées. 9 compagnons sont accusés d'appartenance à une organisation terroriste et de participation à des activités terroristes pendant des périodes plus ou moins longues. 3 d'entre eux sont en plus accusés d'en être les dirigeants. Par ailleurs, 3 autres personnes ayant été arrêtées dans la foulée d'une attaque contre le commissariat de Marolles sont quant à elles accusées d'appartenance à ce groupe terroriste pendant un jour, ainsi que des différentes inculpations se rapportant à cette attaque. Ça, c'est pour l'accusation générale. Celle-ci est ensuite complétée par des accusations plus spécifiques, telles que participation à une manifestation sauvage devant le centre fermé 127 bis à Steenokerzel, je ne sais toujours pas le prononcer, transformée en tentative d'incendie volontaire et d'effraction terroriste par le parquet. Préparation et participation à une attaque contre le commissariat de police dans les Marolles, qualifiée par le parquet d'infraction terroriste. coups et blessures sur des agents de la police à plusieurs reprises, obstruction de la voie publique, dégradations diverses et variées, vol à l'étalage, incendie de voiture de gardien de prison sur le parking de la prison à Ittre, incitation à commettre des effractions terroristes. Il est à préciser que ces accusations spécifiques visent à chaque fois des compagnons spécifiques, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas inculpé pour l'ensemble des faits reprochés. En arrière-plan de cette enquête qui a duré plusieurs années et qui a produit pas moins de 32 cartons de paperasse, le parquet fédéral émet l'hypothèse qu'un groupe anarchiste terroriste serait actif, notamment à Bruxelles, et que les inculpés auraient participé à ou favorisé ces activités. Il dresse par exemple une longue liste d'une 150aine d'attaques, dont une bonne partie incendiaire contre des structures de la domination, des commissariats, des tribunaux, des banques, des entreprises qui se font du beurre sur le dos de l'enfermement, des chantiers, des véhicules de diplomates, d'eurocrates et de fonctionnaires de l'OTAN, des antennes de téléphonie mobile. Toutes ces attaques ont lieu à Bruxelles et dans les environs entre 2008 et 2013. L'invention d'un groupe terroriste qui serait responsable de l'ensemble de ces faits, ne serait-ce que par le fait de les avoir rendus possibles, permet de jolies pirouettes servant l'accusation. Une bibliothèque devient un lieu de recrutement, des discussions deviennent des réunions clandestines, des tracts et des journaux de critiques anarchistes deviennent des manuels de guérilla urbaine, des manifs et des rassemblements deviennent des appels au terrorisme, des lieux affinitaires entre les personnes en lutte et l'auto-organisation qui peut en découler deviennent un groupe terroriste structuré. L'invention d'un groupe terroriste anarchiste est bien évidemment une tentative assez maladroite de la part de l'État de réduire la subversion anti-autoritaire et révolutionnaire à l'œuvre d'un seul groupe structuré. En tentant de mettre derrière les barreaux une poignée d'anarchistes qui dérangent, l'État cherche à décourager les réfractaires à passer à l'action directe contre ce qui nous opprime et exploite, et d'imposer le silence absolu aux désirs, possibilités, réflexions et critiques qui s'affrontent à ce monde autoritaire. Ce qui est renvoyé devant le tribunal, c'est donc toute une mosaïque de luttes, de révoltes, d'idées, d'actions directes, de critiques, d'imaginaires révolutionnaires, d'agitations, qui ont pendant des années cherché à s'attaquer à la domination. En cela, l'éventuel procès concerne non seulement les compagnons inculpés, mais aussi tout individu, tout anarchiste, tout révolutionnaire, tout réfractaire à l'ordre, tout insoumis à l'autorité, qui ne veut pas rester les bras croisés devant l'exploitation et l'oppression. Ce qui est visé, c'est la recherche de l'autonomie dans l'action, l'auto-organisation dans la lutte, l'action directe dans toute sa diversité, le choix de défendre et de diffuser des idées anarchistes et révolutionnaires, de participer ensemble avec d'autres révoltés à des combats auto-organisés et autonomes. Et finalement, sans doute, une approche combative de l'anarchisme qui part de l'individu, de l'affinité, de l'informalité. Il serait étrange de séparer la répression qui vise aujourd'hui quelques anarchistes et anti-autoritaires de l'ensemble de la répression qui cherche à mater, souvent préventivement, toute critique de l'ordre établi et de la révolte. Il serait étrange de séparer la répression qui vise aujourd'hui quelques anarchistes et anti-autoritaires de l'ensemble de la répression qui cherche à mater, souvent préventivement, toute critique de l'ordre établi et la révolte. À coup de menaces terroristes, de crises de réfugiés, de lutte contre la criminalité et de guerres bien réelles, la répression étatique passe aujourd'hui à la vitesse supérieure. Dans une période où les changements et les restructurations viennent toujours plus rapidement modifier les terrains de la conflictualité sociale, neutraliser ceux qui dérangent par leurs pensées et leurs actes fait partie d'un ensemble qui cible les exploités et les opprimés. Le durcissement des conditions de vie, la militarisation des frontières, l'imposition d'un contrôle technologique massif, la construction de nouveaux camps de détention, etc. Se défendre contre ce coup répressif qui veut renvoyer des compagnons devant un tribunal sous des accusations de terrorisme, c'est défendre la possibilité et l'espace de l'agir anarchiste et anti-autoritaire. Et par la solidarité avec les compagnons inculpés, faire face à la répression étatique qui vise à paralyser toute action subversive. Si se battre pour la liberté est un crime, l'innocence serait vraiment pire que tout. Donc voilà, ça c'était le communiqué qui a été écrit, applaudissements studio. Et ça c'était le communiqué qui a été écrit en avril 2016, donc on le redit, les personnes du coup elles ne passent pas, elles sont pas en procès pour des actes terroristes, mais pour finalement l'inculpation d'associations de malfaiteurs, qui reste quand même un gros quelque chose. Enfin, ouais, ça reste quand même un délit reproché assez important et assez fourre-tout pour permettre à l'accusation. D'essayer de faire condamner les personnes. Et donc, c'est 12 personnes qui sont jugées à partir d'aujourd'hui et toute la semaine. Donc voilà, vous pouvez avoir plus d'infos et peut-être suivre l'actualité sur ces procès sur le site lalim.noblogs.org. Est-ce qu'on fait un petit peu de musique ? Alors, un petit peu de musique sur le